Où est-ce que vous vous êtes rencontrés, maman et toi ? On s'est rencontrés à un cours de philosophie à l'université. Je me suis assis à côté d'elle, par hasard. On ne s'est pas parlé, mais on s'est observé discrètement. Une semaine plus tard, on s'est revus au même cours. Là, on s'est parlé et on s'est échangé notre numéro de téléphone. Après, on s'est téléphoné, on s'est donné rendez-vous. Et quand est-ce que vous vous êtes mariés ? On s'est mariés 4 mois après. C'est rapide ! C'est ça le coup de foudre !